C'est génial! Ajoutez-y quelques parties, des vedettes, des cocktails et des tapis rouges. Vous aurez alors la recette parfaite digne d'un grand festival. Pour plus d'informations, rendez-vous sur fcvq.ca. Présenté par Québecor, alimenté par Resto Plaisir et invité par le Concorde. CKRL. Communication. Culture. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatial. C'est votre magazine radio qui est consacré entièrement à l'univers des arts visuels à Québec sur les ondes de CKRL 89.1 toujours. J'en tiens la France au micro pour cette première de la saison 2019-2020. Et on va commencer, comme je le disais tout à l'heure avec Jessica, avec une entrevue avec John Blouin, qui est commissaire de la 7e édition de l'événement FOSS à Matane. Et pourquoi on parle de Matane? Parce qu'il y a plusieurs artistes de Québec qui participent à l'événement. Donc, on va en savoir un peu plus dans quelques instants avec John au micro, au téléphone. Et ensuite, on va recevoir Steven Girard de Folliculture, le directeur, qui va nous parler d'un projet là, qui va être présenté très, très bientôt. Les communications ont été lancées aujourd'hui. C'est un projet qui s'appelle Le Cabinet des Censurés, donc une exposition où on explore les effets de la censure sur certaines œuvres de certains artistes qui ont vécu de ces événements ici au Québec. Et ensuite, Myriam Leland est de retour pour nous faire une chronique sur l'exposition Quand les arcs-en-ciel pleurent des bonbons, un très beau nom qui est très évocateur. Donc, une exposition de Magali Thibault-Gobeil à Materia, une exposition de joaillerie, de bijoux très colorés. Ça va mettre un peu de pep dans cette journée, ma foi, un peu pluvieuse. Mais pour l'instant, on va écouter une pièce de l'artiste Mdou Mokhtar, c'est de la guitare touareg. Donc, encore une fois, une ambiance musicale qui va mettre un peu de soleil et de sécheresse dans cette journée humide. Alors, on se laisse sur ce titre et au retour, c'est John Blouin qui nous rejoint au micro. Sous-titrage Société Radio-Canada. alors de retour à l'aérospatiale et j'ai avec moi au bout du fil John Blouin. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, John Blouin, tu es commissaire de la 7e édition de l'événement FOSS à Matane. Est-ce que tu peux nous glisser un mot là pour ceux qui ne connaissent pas FOSS? En quoi ça consiste cet événement-là? Je vais prendre un petit détour pour dire c'est quoi FOSS. FOSS, c'est des générations de gens dans le coin de Matane qui travaillent l'image. C'est à la fois, le travail de la photographie avec le cégep, mais on parle encore plus loin des frères qui aimaient la photo, qui montraient ça aux étudiants. On parle, il y avait des galeries d'art contemporain de niveau national comme la GAM. On parle aussi maintenant avec le Cédrin. FOSS, je pense que c'est un événement autour de l'image, tout azimut, photographie, art médiatique, numérique, performance, réalité virtuelle, jeux vidéo, et puis FOSS cristallise toutes ces générations-là qui ont touché à l'image. Et tu as mentionné le Cédrin. J'aimerais ça que tu nous parles un peu du Cédrin, là, juste pour le mettre en contexte, parce que dit de même, là, pour les non-initiés, on ne sait pas trop c'est quoi. C'est un centre de recherche collégiale. Le Cédrin, c'est une institution qui travaille... par exemple, avec la réalité virtuelle, le motion capture, c'est immense. Tu peux rentrer juste à l'endroit où est-ce qu'ils travaillent, les studios. Tu peux rentrer un petit avion par la porte. C'est vraiment grand. Puis, il y a des avancées technologiques majeures qui se fait à cet endroit-là. Et j'imagine qu'il y a des collaborations qui se font avec le Cédrin dans le cadre de l'événement FOSS aussi? Oui, absolument. Par exemple, c'est un organisme de Québec, le DTT, le collectif Dans ta tête, qui vient présenter AREA, qui a déjà été présenté en partie à Québec, qui viennent, puis ils vont justement, c'est une collaboration avec le Cédrin, il va y avoir un travail technologique qui va se faire là, ils vont faire avancer le projet, et le projet va être présenté durant FOSS. Donc, on parle du collectif Dans ta tête. C'est un collectif qui se consacre au théâtre, j'ai l'impression, mais qu'ils font éclater de manière numérique. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est un théâtre technologique, puis c'est pas n'importe quel théâtre parce qu'ils prennent une œuvre de Gauvreau, de Claude Gauvreau en littérature, puis ils rajoutent du mapping, de la robotique, de la manipulation en direct sonore, etc., etc. Puis ils en font un spectacle cohérent. Et un autre collectif de Québec qui tend à faire éclater le théâtre, mais d'une autre manière, c'est le théâtre Rude Ingénierie, où on est plus dans le lo-fi, là, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'ils vont présenter à l'événement FOSS à Matane? Ben, on est chanceux, ils vont venir présenter Alice Bricolé, qui ont bricolé encore un peu plus loin. Pour être franc, pour une des parties importantes du travail de commissaire, c'est d'écouter ce que les autres disent et veulent. Puis c'est vraiment pas moi qui amène cette idée-là. C'est une petite fille qui s'appelle Lou, c'est ma fille, 5 ans, qui a été voir Alice Bricolé, puis elle a tellement aimé ça que j'ai dit, bon, ben il faut que ça vienne à ma table. Bon, mais le commissariat, c'est une affaire de famille pour toi? Une affaire d'amitié, oui, le commissariat, c'est une affaire d'amitié. Et une des raisons pour lesquelles on avait le goût de parler de l'événement FOSS, ça se passe à Matane, ici, à l'aérospatiale, on parle des artistes de Québec, mais il y a beaucoup d'artistes de Québec dans cette édition-ci. J'ai habité plusieurs années à Québec. J'étais... partie prenante de La Méduse, j'ai présenté mon travail, j'ai présenté le travail d'autres artistes. Il y a des liens forts d'amitié, puis des liens forts artistiques qui se sont créés. Québec, pour moi, c'est un pivot. Je suis à Matane, mais je suis aussi à Montréal. J'ai la chance d'être nomade. Québec, c'est un haut point de l'émergence artistique. Par exemple, avec Claude Gagnon, elle va être là avec Contrefaçon. Elle va apporter des nouvelles vidéos, des nouvelles œuvres. Ben, il y a Ludovic Bonnet aussi qui a fait une œuvre avec Caroline Monet qui s'appelle Hydro. C'est vraiment magnifique. Oui, qui a été présentée à Joliette, je crois. Oui, ça a été présenté à Joliette. Puis c'est là que je l'ai vu pour la première fois. Puis j'ai été estomaqué par cette œuvre qui semble très, très simple. En fait, c'est des centaines d'ampoules incandescentes qui flashent, mais avec de la musique, avec la voix d'un grand chef de la nation crie, puis ça s'appelle Hydro pas pour rien, parce que ça parle aussi de fissures du territoire. Puis la beauté de la chose, c'est que nous, pour faire ça, c'est oui, c'est des ampoules à incandescence, mais aussi il y a un travail numérique avec ça qui est mise en place. Puis pour pouvoir le présenter nous-mêmes, il a fallu faire venir des électriciens pour travailler à ce que Hydro puisse advenir avec toute cette électricité-là dans l'air. C'est quand même assez technique. Et puis, j'aimerais revenir avec cette idée-là que tu m'as lancée tout à l'heure de ta fille Lou qui t'a aidée en quelque sorte dans ton travail de commissariat. Puis ça me fait penser au projet de Jacinthe Carrier qui va être présenté à l'événement FOSS. C'est un projet qu'elle a élaboré avec sa fille. Oui, oui, c'est vraiment un projet magnifique. Puis là, on se parle, puis on vient d'accrocher les photos. Puis les gens, quand ils rentrent dans cet espace-là, il y a vraiment un souffle, une émotion qui se passe. C'est un travail photographique que Jacinthe a fait. Souvent, elle prend des gens, les met dans des situations, puis elle filme, elle prend des photos. Elle a fait la même chose avec les enfants. Puis, à partir de là, il y a eu un travail de photos et de vidéos qui va être présenté pour... La première fois, puis elle a demandé à sa fille de participer à ça en ajoutant de la peinture sur le travail photographique. C'est lumineux, il y a une grande candeur, puis il y a une puissance artistique qui ressort de cette collaboration mère-fille-là. Et pour revenir à cette idée-là d'intervention sur la photographie, je disais d'entrée de jeu là, en présentant l'émission que ton fil conducteur pour cette septième édition de l'événement FOSS à Matane, c'est entre les mondes analogiques et numériques. Oui, oui. En fait, je voulais présenter quelque chose qui était très, très près de moi. J'ai été projectionniste pendant plusieurs années à l'Office national du film du Canada. Puis j'ai vécu ce passage-là entre le monde de l'analogique, où est-ce qu'on avait les mains pleines de pellicules, où est-ce qu'on était des accompagnateurs d'images, jusqu'au monde numérique, cette transition-là où la part du projectionniste, de l'accompagnateur d'images a été totalement transformée. Puis, je voulais qu'on puisse toucher à ce point de contact-là, parce que souvent, on parle beaucoup du numérique, mais tandis que nous, on est des êtres analogiques, on vient de vivre cette grande révolution-là, puis un peu pour comprendre mieux le numérique, pour cette perspective-là, j'avais l'impression des fois qu'il faut faire un pas de côté pour mieux comprendre le mouvement qui vient de se passer, parce qu'on le subit, mais des fois qu'on fait un pas de côté, on le comprend mieux. Et donc ce pas de côté, c'est un c'est une invitation d'artistes qui vont justement aller jouer avec ces qualités analogiques des images. Oui, il y a un artiste qui revient très fort parce qu'il y a une installation qui va être là, c'est Scratch 2, il y a une performance, il y a eu à Rimouski une rétrospective ce soir. En fait, quand on va se quitter, je vais me rendre dans un auditorium puis il va y avoir une classe de maître avec Pierre Hébert. Ah oui. C'est un pionnier du cinéma d'animation, à la fois dans film en monobande, mais aussi un pionnier des performances d'animation. Puis il a commencé avec justement la pellicule. À faire les performances avec la pellicule, avec des musiciens en direct. Puis, il y a eu une transition qu'il s'est mis à faire ça, mais plutôt avec des tablettes numériques qu'il y avait bien mm-hmm. avant l'heure de nos jours. Puis, maintenant, il y a les deux. Il va chercher les deux. On dirait qu'il a réussi à faire consolider, à faire que les deux deviennent des vases communicants. Puis, je suis vraiment content qu'il soit là. Donc, c'est un peu une pratique emblématique de ce que tu cherches à aller faire émerger de l'ensemble de ces pratiques-là que tu as sélectionnées pour le Festival FOSS? Oui, c'est ça. C'est par exemple avec Claudie Gagnon qu'on a entendu énormément parler parce que c'est elle qui a fait l'œuvre architecturale pour le diamant. Elle, avec ce qu'elle va présenter, c'est qu'elle a filmé des gens dans des situations qui jouaient un peu comme des vieilles peintures. Puis elle les a filmées en 4K, en grande technologie. Mm-hmm. Grande qualité. Puis elle a été chercher des arrêts sur image, des styles. Puis elle en a fait des photographies avec ça. Puis ensuite, elle s'est mise à peindre là-dessus, à faire des retouches. Donc, on part d'une autre technologie de captation de l'image à la photo, à la peinture, puis on plie ça ensemble, puis ça donne une œuvre. Fait qu'il y a vraiment ce point de contact-là que j'ai essayé de retrouver un peu partout. De l'autre côté, tu sais, on va chercher avec des gens comme Mere Phantom, des gens de Montréal qui travaillent le théâtre d'ombre. Donc, c'est millénaire. Puis, de l'autre côté, on s'en va chercher quelqu'un comme Sabrina Raté, avec une œuvre qui est totalement numérique. Donc, les deux viennent se rejoindre. Et il y a également une autre artiste de Québec, Moya Jobin-Paré, qui travaille beaucoup l'intervention sur la pellicule directement. Est-ce que tu peux nous parler de l'œuvre qui va être présentée? Oui, en fait, on va présenter la première œuvre qu'elle a fait. Elle a fait ça à la bande vidéo, en collaboration avec la bande vidéo. Puis, qu'est-ce que son travail? C'est qu'elle prend de la photographie. C'est des photographies qu'elle gratte. Ce grattage-là, on en fait de l'animation, des films d'animation. Puis, c'est fascinant, c'est magnifique. Puis, cette œuvre-là, elle a fait le tour du monde. Puis, je suis vraiment content qu'elle puisse revenir ici, être présentée à Matane. Puis, petit fait à noter, je l'ai mis juste avant un long métrage de André Forcier, Le vent du Wyoming. Je trouvais que les deux, il y avait un lien qui venait se rejoindre. Puis après ça, il va avoir une classe de maître, une grande conversation avec André Forcier qui va être présent à Matane. Ah oui, c'est intéressant. Donc, le travail de Moya Jobin-Paré avec le travail d'André Forcier, il y a quelque chose dans la force vibratoire, on dirait. Hein? Oui, oui, oui, exactement. Et puis, évidemment, bon, John Blouin, tu viens du cinéma, donc il y a beaucoup de ce médium-là aussi dans la sélection que tu as fait pour FOSS. Ouais, ben c'est tu sais, l'image. Moi, je viens du cinéma. J'en mange, j'en fais, je le partage. Puis, je voulais amener cette expérience-là. Puis, parlant d'expérience, on a un film de Bill Morrison qui s'appelle Decasia. C'est une expérience cinéma incroyable. En fait, lui, il va chercher on appelle ça du found footage. Il trouve de la pellicule vieille, décrépite, Decasia, qui essaie pas de changer. Il les prend comme ça avec toute la décrépitude, puis il en fait un ballet poétique incroyable. Ça, c'est un incontournable, puis je suis vraiment content qu'on puisse avoir cette œuvre-là de ce grand réalisateur-là, qui est Bill Morrison. Et pour en revenir à nos artistes de Québec, il y a également l'artiste anonyme Martin Pantois que tu as invité à venir faire quelques interventions, j'imagine, à Matane. Oh oui, puis la beauté de la chose, c'est que il fait une œuvre sur place. Là, il a été dans plusieurs municipalités de la Matanie. Il a pris des photos avec des personnages autoportants parce qu'habituellement, il peut mettre ça sur des murs, tout ça. Fait que là, il a créé ses propres murs en lien avec le paysage. Puis aujourd'hui, on imprimait ses œuvres. C'est vraiment réussi. Puis je voulais qu'il y ait un lien avec la périphérie de Matane, puis ces œuvres-là vont se retrouver à Matane. Puis c'est vraiment important pour nous que ça soit pas juste à Matane, mais qu'on aille jouer sur les territoires autour, puis qu'il y ait des œuvres qui soient créées pour ici. C'est un des points qu'on travaille très, très fort. Mais en tout cas, tu as l'air d'avoir travaillé fort, John Blouin, pour cette 7e édition de FOSS. Donc, le vernissage est vendredi? Le vernissage, on est fou comme ça. On a un vendredi, puis on a un autre samedi avec des performances de Pierre Hébert, de Guillaume Vallée, avec du glitch. Et puis, ça finit toujours très tard avec les grands vents de FOSS. Avec les grands vents de FOSS et la musique qui nous fait danser. Et l'événement FOSS dure jusqu'au 22 septembre. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, si vous passez par les grands vents de Matane, on vous invite à y aller. Nous, on va partir en pause musicale et au retour de la publicité, ça va être Steven Girard qui va venir nous parler de ce qui va se passer très, très bientôt à Folliculture. We'll be right back.

censuré. Oui, tout à fait. En fait, c'est, ça va être à la fois des œuvres qui vont être recontextualisées et aussi des artistes qui vont avoir vécu ce moment de censure qui vont prolonger ou réfléchir autour de cet événement marquant. Et c'est une exposition qui est commissariée par Julia Roberge van der Donck, qui est une historienne de l'art qui est spécialisée dans justement cette idée de la censure, cette idée de la controverse qui est suscitée par les œuvres. Oui, effectivement, il y avait eu l'œuvre de Jean Renaud, est-ce que c'est bien ça, le cube blanc qui avait eu cours à Québec en 2015. En fait, ça avait fait quand même beaucoup de scandales. Oui. En tant qu'artiste, j'avais participé à un événement autour de tout ça. Oui, puis il y j'avais avait rencontré une espèce Julia. De happening. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. J'avais rencontré Julia suite à tout cela. Donc, on se connaît depuis longue haleine. Puis, c'est ça. Son expertise en censure a été requise. Donc, une expertise en censure. Et si on revient aux artistes qui ont été sélectionnés pour cette exposition, le cabinet des censurés. Donc, tu me disais, Ordonne, que c'est des artistes ou des œuvres qui ont été censurées dans les 12 dernières années au Québec. Donc, on n'est plus dans les années 70, on est vraiment dans des problématiques qui sont plus actuelles. Oui, tout à fait. Ça prend aussi d'autres tangentes que dans les années 70, puisque maintenant, étant donné qu'on a des contrats qui sont signés avec les organismes diffuseurs, il peut y avoir une censure qui se passe durant le processus, le bras de fer qui se fait entre le diffuseur et l'artiste. Donc, il y a de temps à autre retrait de l'œuvre ou tout simplement détérioration de l'œuvre à des fins de censure douce, je dirais. Mm-hmm, mm-hmm. Et bon, si on parle un peu des artistes, là, on pourrait peut-être commencer par Martin Bureau parce que c'est vraiment au sein de Foliculture que son histoire de censure s'est passée. Oui, tout à fait. C'est l'événement Les Regards Fous qui a eu cours il y a de ça. Je pense que c'est la plus... je pense que ça fait 12 ans autour de cela. C'était l'œuvre hommage à sa gracieuse majesté qui a vécu une drôle situation de censure où est-ce que c'est plutôt le technicien qui devait couler la pièce qui a refusé de couler la pièce. Et c'était dans le cadre d'un événement où Foliculture avait invité des artistes à faire des trous d'hommes, ouais. Donc des bouches d'égout artistiques. Et la reine, on ne touche pas à l'image de la reine. Hein? Effectivement, elle est entre Dieu et les mortels, donc on ne touche pas à cette majesté. Et qu'est-ce que Martin Bureau avait fait à la reine dans l'idée qu'il avait pour faire ce trou d'homme pour Foliculture? C'était l'image de la reine qui était joint à un panache d'orignal qui prenait la forme d'un 25 sous. Donc on fusionnait le pile et le face, là, donc mm-hmm. il y a un jeu aussi conceptuel dans tout ça. Et donc d'autres artistes qui ont été invités pour le cabinet des censures, on parle également de John Boyle Singfield. Est-ce que tu peux nous parler de sa participation à cet événement? Oui, John va reconduire une œuvre qui a été censurée au préalable qui s'appelait Sparkling Council. Mm-hmm. Cette œuvre sera donc non pas recontextualisée, mais va être prolongée avec une autre forme. Mais auparavant, John avait déjà vécu d'autres moments de censure auprès d'une autre exposition qui a été maladroitement intitulé Bootleg, puisque je connais bien John, puis il m'avait déjà mentionné qu'il n'y avait pas de titre pour cette exposition-là, mais en fait. C'est une exposition qui date depuis un certain moment, mais spécifiquement, l'œuvre qui va être recontextualisée. C'est plutôt un prolongement. Oui, okay. Parce qu'il y a certaines œuvres qui vont être recontextualisées et d'autres qui vont être plus dans la prolongation de la réflexion de l'artiste par rapport à cet événement de censure, ouais, qui s'est passé dans leur démarche. Effectivement, c'est quand même un des événements assez marquants, je pense, dans la pratique artistique. Donc, Foliculture ne voulait pas arriver avec cette maladresse-là et d'imposer une recontextualisation si les artistes n'avaient pas envie de tout ça. Puis aussi, on est quand même friand d'œuvres originales pour les événements, donc. Et il y a également Steve Giasson qui fait partie de l'imagerie des communications. Donc Steve Giasson, il y a cette image de c'est l'artiste lui-même. C'est un homme nu avec un sac sur la tête. Et pourquoi et dans, à quel moment cette image a vécu une censure? C'est il y a de ça moins de 2 ans. Mm-hmm. Il y a eu une exposition auquel l'artiste Steve Giasson avait demandé d'utiliser cette image en guise de publicité pour la dite exposition, et cette image a été tronquée. Étrangement, nos petits flyers tronquent aussi cette image, mais c'est avec l'accord de l'artiste. Mais les affiches montrent l'artiste en totalité, et on voit en fait Steve Giasson avec un sac sur la tête, ce qui pouvait rappeler des références à Guantanamo. Il y a eu aussi des propos grossophobes et aussi en lien avec la nudité qui ont été soulevés. Donc l'organisme diffuseur a décidé de ne pas publier cette image-là en totalité. Donc la nudité choque encore de nos jours, dépendamment des contextes, surtout quand c'est des contextes d'exposition qui sont plus grand public, qui sont plus organisés, mettons, par des organismes municipaux. C'est le cas de Christian Messier, je pense. Oui. Il a exposé La forêt s'en vient. À Laval, il y a de ça quelques années. Puis il y a eu une recontextualisation à Laura Jonca. Il y a de cela, je pense que ça a été dans les mois qui ont suivi. Il y a eu une prise de position quand même assez rapide auprès des artistes et des galeristes autour de tout cela, puisque c'était de la peinture figurative qui montrait des scènes d'exorcisme, des personnes nues, ce qui était jugé déviant auprès de certaines personnes qui avaient visité l'exposition. Donc ça a été retiré. Et pour l'œuvre d'Elena Martin Franco, c'est également le côté anatomique très très sexualisé de son travail qui a été censuré. Oui, c'est l'exposition Portrait d'une femme éléphant. Il y a plusieurs de ces aquarelles qui ont été retirées pour des raisons de nudité. C'est principalement des organes génitaux ou des seins qui ont été jugés comme étant non exposables. Donc c'était encore une fois dans un contexte là, d'exposition un peu plus grand public qui pouvait amener à choquer peut-être certaines personnes, certaines familles. Mais il y a également, Isabelle, ailleurs, c'était dans le contexte de la Biennale de Montréal, et c'était vraiment à l'extérieur, une projection là, qui avait été censurée. Oui, c'est un autre trait de l'organisme diffuseur qui s'est effectué. Ça, dans un tout autre contexte, un contexte extérieur, une projection qui avait été faite in situ. Pour l'événement, l'organisme diffuseur a décidé de retirer cette œuvre à la journée même du vernissage sans aviser l'artiste pour des raisons qui sont encore très peu satisfaisantes, disons-le ainsi. Donc, il y a vraiment des procédures judiciaires qui s'en sont suivies. Oui, ça va durer longtemps. Il y a un contrat là, qui lie l'artiste et l'organisme. Tout à fait. Puis, il y a toujours une clause qui permet, dans certains litiges, d'avoir à poursuivre l'organisme ou poursuivre l'artiste. Dans le cas spécifique de Isabelle Ailleurs, il y a eu le regroupement des artistes en art visuel qui ont offert un avocat à cet artiste pour avoir à poursuivre l'organisme diffuseur. Ça le fait beaucoup couler d'encre, sans pour autant parler en fait de la nature de l'œuvre. On a rapidement tombé dans le contexte un peu surmédiatique qui faisait en sorte qu'on parlait pas de la nature de l'œuvre, mais plutôt de ce retrait de l'œuvre en tant que tel. Donc on a surtout enlever au regard des gens une proposition artistique, ce qui fait en sorte que ça nous a motivé, nous, à Folie Culture, d'aller reprendre ces œuvres-là qui ont été dérobées au regard pour les rapporter et en rediscuter dans une dans un espace où est-ce que c'est, ça a déjà été convenu. Nous, on ne fera pas de censure auprès de ces gens-là. Alors, c'est un rendez-vous. Le cabinet des censurés, ça va se passer au 340 de la rue Saint-Roch, au local 202. Donc, j'imagine qu'il faut monter des escaliers. Ouais. C'est tout près de la barberie. Ouais. repère visuel par excellence. Et puis, on va mettre les coordonnées sur notre site Internet. Et le vernissage, c'est quand? C'est le 19 jeudi. À 17h, il va y avoir performance, notamment de Christian Messier. Je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont apprécié son passage à Québec, puisqu'il étudie à Québec. Et donc, il y aura d'autres performances aussi, ainsi qu'une petite soirée DJ. Et il va y avoir également une table ronde qui va être organisée dans le cadre de l'événement? Ouais, à la toute fin, en guise de finissage, le 29, il y aura une table ronde avec différents invités ainsi que les artistes pour avoir à discuter collectivement sur la notion de censure assez largement, mais aussi pour apporter la parole de l'artiste à travers ce processus-là. Ben, merci beaucoup, Steven Girard, d'être venu nous parler de cet événement, le cabinet des censurés, qui est organisé par Folliculture. Nous, on va prendre une pause musicale et au retour, c'est Myriam Leland qui vient nous parler de ce qui se passe à Materia. De retour à l'aérospatiale. Et c'est Myriam Leland. Bonsoir, Myriam. Bonsoir, gentilhomme. Alors, de retour aux chroniques pour cette belle saison 2019-2020 qui commence. Et tu as choisi de nous parler de ce qui se passe à Materia. Ça a l'air d'être très estival comme exposition, un peu pour faire prolonger l'été. Peut-être, oui. Pourtant, je suis vraiment pas une fille d'été, mais si j'avais un mot pour décrire cette exposition-là, ça serait « fly ». Mais on est dans le monde de l'enfance, c'est très coloré, très baroque aussi. Oui, on peut y aller avec ce qualificatif-là. Et le titre, juste le titre, quand les arcs-en-ciel pleurent des bonbons. Exactement. Donc c'est une exposition de Magali Thibault-Gobeil qui est une artiste du bijou. Oui, une artiste joaillière, exactement. Elle est diplômée en fait de l'école de joaillerie de Montréal, diplômée en 2013. Elle a gagné plusieurs prix, puis depuis quelques années, elle a toujours fait dans le plus artistique que le pratique, mais plus les années vont et plus elle se lâche lousse en bon français dans le côté artistique. D'ailleurs, ses parents étaient des sculpteurs, puis on voit vraiment qu'elle tend vers la sculpture de plus en plus. La dernière exposition qu'elle a faite, c'était à la Guilde à Montréal. Okay. Une exposition qui s'appelait, si je me rappelle bien, c'est « Quand les nuages sont de la barbe à papa » ou quelque chose. Ah, je l'ai ici. « Et si les nuages étaient de la barbe à papa? » Oui, oui, on est dans l'enfance. On est vraiment là-dedans. Comme elle m'expliquait, parce que j'ai eu la chance d'aller visiter le montage de l'exposition, c'est pas encore terminé, donc je vais découvrir... Oui, c'est vendredi le vernissage. Exactement, je vais le découvrir en même temps que les auditeurs qui veulent aller voir ce vernissage-là. Elle m'expliquait que « Et si les nuages étaient de la barbe à papa? » avait un peu elle avait un peu prolongé ce concept-là dans quand les arcs-en-ciel pleurent des bonbons mais sans que ce soit exactement la même chose parce que son exposition à Materia, c'est la première fois en fait qu'elle peut investir un espace au complet à elle seule. Oui, et on en parlait avant l'émission, elle l'investit de manière quand même assez intense. Oui, c'est ça, quand même assez intense, je pense que démesure, intensité, c'est vraiment des mots qui qualifie bien autant la personne que la pratique. Ça a l'air d'être quelqu'un qui bouillonne de joie. Puis si vous avez quelques instants, toi aussi, Gentilienne, si tu as quelques instants pour aller sur le site web de la Fabrique culturelle, mm-hmm. Il y a une vidéo qui a été faite en janvier 2018. Okay. Donc, ça fait même pas janvier 2019, ça fait encore moins longtemps, sur la pratique, en fait, de Magali, justement dans le cadre de son exposition à la Guilde. Puis elle explique un peu qu'est-ce qui motive ses choix, sa démarche artistique et tout ça. Puis j'ai noté une citation parce que je trouvais que ça résumait tellement bien ce qu'on ressent quand on regarde ses pièces. Elle dit « Il y a une lourdeur de vivre aujourd'hui qui est apportée par une multitude de choses. Le fait de faire ces pièces-là, donc ses œuvres, c'est comme exorciser cette douleur de vivre. » Dans le fond, elle veut susciter un sourire, une réflexion. Elle veut que les gens se demandent « Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des bijoux, des jouets pour enfants? Est-ce que ça se porte? Ça se porte pas? » Parce que c'est assez... je parlais des mesures tantôt, c'est très surdimensionné. Autant les éléments de sa scénographie que ses bijoux oui, comme tels. Oui, les bijoux peuvent être assez handicapants, là, on s'entend. Oui, c'est mm-hmm. ça. Dans le fond, c'est ça. Elle veut vraiment jouer sur le bijou qu'on connaît, qu'on porte à tous les jours, puis le bijou assez flyé. Elle comparait un petit peu à des talons, des stilettos, qu'il ouais. y a certaines personnes qui vont porter ça tous les jours puis qui vont le porter à merveille. Il y en a qui les porteront jamais. Mm-hmm. Oui, oui, on le sait. Oui. Donc, sauf que là, elle laisse aller sa créativité. Puis oui. Justement, c'est un peu de jouer avec l'impression des gens de, comme je dis, est-ce que ça se porte, est-ce que ça se porte pas? Si ça se porte, comment je porte ça? D'ailleurs, elle a, dans sa scénographie, elle a intégré des bannières, ouais, c'est ça, c'est des bannières imprimées d'un shooting photo porté qu'on appelle, donc c'est vraiment une mannequin qui porte mm-hmm. les bijoux de Magali. Donc il y a ces photos là qui sont disposées un peu partout dans l'exposition, suspendues. Puis je te mentionnais aussi quelque chose d'assez spécial hors d'onde que je vais mentionner à l'instant. Quand on entre dans l'espace, bon, il y a les sculptures, il y a des socles pour mettre les plus petites pièces et tout ça. Puis il y a aussi suspendu du plafond des ballons remplis de lentilles. Donc ça fait quasiment comme une petite balle anti-stress, mm-hmm. suspendue au bout d'une corde de nylon jaune-orange fluo. Donc, ça répond bien à ses œuvres, aux couleurs vitaminées, acidulées et à ses formes aussi qu'elle va chercher. Donc, des formes de ballons là, oui, qu'on peut ça, trouver dans vraiment ses œuvres. Des quelque formes, chose de très près de la gomme ballon. Oui, c'est ça, des formes super sinueuses, justement gonflées, un peu comme tu le mentionnes mm-hmm. Avec la gomme ballon. On est encore dans le bonbon. C'est vraiment une thématique dont on ne peut pas sortir quand on est dans cette exposition-là auprès de ses créations. Puis les ballons dont on parle, ça évoque aussi un peu le titre, quand les arcs-en-ciel pleurent des bonbons. Mm-hmm. On dirait vraiment comme des bonbons qui tombent du ciel. Mais la thématique globale là, qui ressort pour moi de cette exposition-là, c'est un peu la dualité entre plusieurs pôles. J'ai l'impression que sa scénographie rappelle un peu la mise en scène d'un magasin avec ses banderoles de shooting. On a les socles avec les bijoux. Mais en même temps, on a des bijoux qu'on n'est pas trop sûr si on est capable de porter ou pas. Donc, on a vraiment le côté aussi cube blanc, mais qui est investi complètement par ces sculptures-là, ces couleurs-là qu'on n'est pas habitué de voir dans des galeries. Donc, on a vraiment cette dualité-là du côté commercial et pratique, puis du côté plus poétique, artistique, laisser aller. Mm-hmm. Une autre opposition que je vois, c'est justement ces sculptures versus les petits ballons qui sont suspendus du plafond, qu'on peut toucher d'ailleurs. Si vous allez au vernissage, je vous invite vraiment à jouer avec. Si je me rappelle bien, je pense que c'est ses nièces qui jouaient avec ça, puis qui c'était tellement agréable comme texture. Elle dit, mon Dieu, il faut absolument que j'aille ça dans mon exposition. Elle l'intégrait à son exposition. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Puis en fait, c'est qu'on a ces grosses sculptures presque bidimensionnelles parce que ce sont des plaques de plexiglas qui sont translucides. Donc, on voit à travers. Puis, on a ces ballons-là. Donc, traditionnellement, la sculpture, on s'imagine quelque chose de meuble qui prend de la place. Ouais. Ça prend tout l'espace. Il faut en faire le tour. Alors que là, on a des sculptures translucides. On peut voir à travers. Ça prend pas tant d'espace pour faire le tour. Puis, quand on a quelque chose d'accroché, ben, on s'imagine quelque chose accroché au bout d'un fil à pêche, de fluide. Si on souffle, ça va s'envoler. Puis là, on a quelque chose d'assez lourd et solide. Ouais. Les ballons remplis de lentilles. Des grosses cordes oranges qui prennent du plafond. Donc, je trouve que c'est très déstabilisant, mais en même temps, c'est super enveloppant comme atmosphère. Oui, et puis avec, tu as noté beaucoup de contrastes oui. dans l'ensemble de l'exposition. Donc, cette exposition-là commence vendredi à Materia. Le vernissage, c'est à partir de 17h? 17h, exactement. Donc, vendredi le 6 septembre. Puis, aux couleurs de son exposition, elle va avoir des bonbons. Elle a une machine à barbe à papa personnelle qu'elle a amenée au vernissage. Donc, je vous suggère vraiment d'y aller. Moi, c'est sûr que je vais. J'ai tellement la dent sucrée. Puis, l'exposition se termine le 13 octobre 2019. J'en profite pour rappeler aux gens qui, comme moi, ne regardent jamais les horaires avant de se diriger en quelque part, que Materia est fermée les lundis et mardis. Donc, c'est seulement ouvert du mercredi au dimanche entre midi et 17h. Mais merci beaucoup, Myriam Leland, pour cette très belle revue de l'exposition qui s'en vient là, oui. de Magali. J'ai un blanc, de Magali Thibault-Gobeil à Materia, donc l'exposition « Quand les arcs-en-ciel pleurent des bonbons ». Nous, on va prendre une courte pause musicale, encore et toujours avec une pièce de Mdou Mokhtar, toujours proposée par Simon Roy, donc la pièce « Anna ». Et au retour, c'est l'agenda de la semaine. I'm not. Alors, c'était la pièce Anna de Mdou Mukhtar. Mdou Mukhtar, qui est un musicien touareg qui habite au Niger, donc un des représentants de cette fameuse guitare berbère qui met un peu de soleil dans notre journée pluvieuse et qui accompagne cette première de la saison de l'aérospatiale qui se termine avec le traditionnel agenda de la semaine. Il va y avoir plusieurs vernissages vendredi. Du côté de Critérium, il y a Alexandre David qui vernit à partir de 17h au centre Materia, le vernissage de Quand les arcs-en-ciel pleurent des bonbons, également 17h, et au lieu Ne sautez pas sur les lits de Ludovic Bonnet, qui va également commencer à 17h. Les trois vernissages sont très très près les uns des autres, donc il n'y a pas trop de difficultés pour faire les trois en même temps le même soir. Et également au Musée national des beaux-arts du Québec, il y a la bande vidéo qui présente Beholder dans l'œil de celui qui regarde du 11 septembre au 22 septembre. Et c'est la dernière semaine pour aller voir Il faut bien protéger les coquillages de Michel Gagnon et Laurence Gravel qui est présenté à Espace Parentèse. Ça se termine vendredi et c'est également jusqu'à dimanche qu'on peut aller voir la fabuleuse exposition Miro à Majorque, un esprit libre au Musée national des beaux-arts du Québec. Et il y a également une exposition à vue qui est organisée par Manif d'art qui va se terminer mercredi prochain avec un 5 à 7 réseautage, donc une espèce de finissage de première ovation. Donc une exposition de Charles-Frédéric Ouellette entre fleuves et rivières, et c'est présenté à vue et à l'extérieur au Musée naval dans le Vieux-Québec en même temps. Et c'est maintenant le temps de parler de ce qui va se passer à Situation critique. CKRL. Communication. Culture. Bonsoir, Pierre Blais. Hey, bonsoir, Jean-Tienne. Alors, j'imagine qu'on parle festival. Effectivement, parce que c'est très bientôt que le plus gros festival à Québec de cinéma, le Festival de cinéma de la Ville de Québec, porte bien son nom, va commencer. Donc, jeudi, non pas demain, mais de la semaine prochaine, le directeur de la programmation, Olivier Bilodeau, qui en est pas à sa première programmation, il est là depuis les tout débuts, va venir nous parler des choses à ne pas manquer. Et il y aura même des projections cette année, c'est ça qui est intéressant, au Diamant. Que je suis allé visiter, j'ai fait mon touriste. Est-ce que tu vas en parler à l'émission? Ben, pas de ma visite de tourisme. On va effectivement souligner le fait que des projections auront lieu dans ce nouvel endroit, mais aussi ailleurs, dans le centre-ville de Québec. Parler de la programmation, parler entre autres des projections publiques qui connaissent un succès monstre. Quand je dis public, c'est en plein air, à Place Diouville, avec souvent des plaisirs coupables qui sont projetés sur grand écran. Cette année, d'ailleurs, il y a un des films de la série Austin Powers, oh, dont je suis un